Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Bonsoir, mesdames et messieurs, mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeux, univers geek et plein d'autres affaires. Et je suis en compagnie de monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew, ça va bien? Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Oui, je m'acclimate encore avec des nouveaux boutons. Hourra! Et là, mesdames et messieurs, Andrew est là, bien évidemment, et on est avec monsieur Julien Materne. Salut Julien! Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et là, évidemment, qui dit Julien Materne dit BD. Et là, cette semaine, tu vas nous parler de quoi, Julien? Je vais faire un petit tour. On va passer d'un point A à un point B, je dirais. Je vais parler de Why de Last Man. Après ça, je vais parler de BD de Brian O'Malley, un petit auteur canadien qu'on connaît un peu pour un petit succès qui s'appelle Scott Pilgrim. Ah, ben oui, oui. Ouais, un petit succès. Mais rien du tout, voyons, personne ne connaît ça. C'est obscur. Tout à fait. C'est underground. Ouais, surtout dans le monde geek. Non, nous, on est cool parce qu'on connaissait ça avant vous autres. Ouais, voilà. Et que dire du film qui est excellent également. Toutes des psaumes, j'ai puissance maximale. Ouais. Et là, monsieur Materne, on va parler avec toi en deuxième heure. Mais avant tout ça, on va parler avec. En fait, j'ai déjà parlé avec monsieur Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique. C'est pas en direct, ça? Non, ben, pas ce bout-là. Parce qu'on rappelle que Pierre-Luc est en France. Et à cette heure-là, à 8 heures le soir, il dort. Donc, j'ai fait ça avec lui hier. On enregistrait ça. On va vous parler, en fait, de sécurité informatique, bien évidemment, parce que c'est le. C'est un peu le bagou à Pierre-Luc, c'est sa spécialité. Et avec lui, on va parler de trois compagnies qui ont été la cible d'attaque. On va parler d'Apple, bien évidemment, avec le fameux CelebGate. On va parler également de Google et de Home Depot. Trois compagnies qui ont eu des démêlés assez importants avec la sécurité informatique dans le dernier mois. Donc Pierre-Luc va nous parler de ça. Et on va vous parler, bien évidemment, mesdames et messieurs, de nouvelles ludiques tout au long de l'émission. Et mesdames et messieurs, avant toute chose, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous allez sur ce site-là, bien évidemment, pour écouter nos anciennes émissions, écouter des podcasts, des entrevues qu'on a fait il y a de cela des fois bien longtemps, mais toujours, toujours aussi excellentes. Vous vous rendez aussi sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale à la barre de recherche pour nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs. Et grâce à cela, vous aurez plein de nouvelles sur l'émission, des nouvelles qu'on fait suivre tout au long de la journée dans le monde technologique, vidéoludique, ludique tout court et geek. Et grâce à ça, ben, quand on va avoir des concours, ben, vous pourrez y participer. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça va venir, donc restez à l'affût sur la page Facebook de Puissance Maximale. Je mentionne aussi que la plupart du temps, les références pour les BD et jeux sont sur le Facebook. Donc, si vous écoutez l'émission, vous perdez la référence, allez sur Facebook. Voilà. Donc, si vous voulez avoir de l'information, habituellement, on met tout ça. Si on parle, tantôt, je sais que Pierre-Luc va parler d'un lien pour aller vérifier si votre compte Google est compromis. Ben, il sera sur la page Facebook. Les BD dont Julien va nous parler tantôt seront sur la page Facebook. On est avec Chantal aussi. Je mets les jeux avec Louis-Étienne aussi. Tout se passe live sur la page Facebook. Parlant de live, mon cher Andrew Castegan, les gens peuvent nous contacter live lors de l'émission et bien évidemment, vous pouvez le faire via Facebook parce qu'on est là-dessus. Mais il y a aussi une adresse courriel pour nous rejoindre directement en studio. Studio au commercial 969fm.ca. Donc, les gens qui veulent nous parler peuvent le faire par ces deux moyens. Vous pouvez essayer de téléphoner, mais on a rarement le temps de répondre. Essayez pas de téléphoner. Envoyez un courriel, puis allez, mettez votre numéro de téléphone, on va vous appeler. On va vous appeler, c'est ça. Ça va être moins compliqué. Bref, plein de façons pour communiquer avec nous. Puis je vous rappelle, mesdames et messieurs, en même temps, j'ai lancé ça la semaine passée, mais on a des t-shirts à vendre officiellement. Il y a eu assez de demandes, là. On va faire une production de t-shirts sûrement au mois d'octobre. Donc, si vous êtes intéressé, nous contactez via Facebook via Facebook, c'est l'idéal. Ou si vous allez sur le site, il y a nos adresses courriel également. Vous pouvez nous contacter comme ça et nous dire si vous êtes, si ça vous tente, contactez-nous. Vous dites la grandeur de t-shirt. Ça devrait être à peu près 20$, gros maximum 20$. Et vous aurez votre t-shirt de puissance maximale. Plus qu'on en a, moins ça va coûter cher. Ben, c'est ça. Donc, voyez le bon côté. Dépêchez-vous, plein de monde. Bref, tout ça pour dire que. T-shirt disponible de puissance maximale pour les intéressés. Contactez-nous via Facebook ou sur le site internet avec nos courriels. Monsieur Castegan, comme l'a vu la tradition, nous allons commencer en musique et pas avec n'importe quoi. J'ai ressorti ça un peu des moulamettes. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Du Blood for Blood. Quand je sortais dans ma prime jeunesse, quand j'étais au cégep de la Pocatière, pour pas nommer le bar, le Café Saint-Louis. Une institution à la Bocatière qui en a pas mal perdu depuis le temps, malheureusement. Mais il y avait de l'excellente musique qui passait, dont Blood for Blood et sa chanson Ain't Like You, Wasted Youth. On envoie sa puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. I ain't like you, and I don't want your love, and I don't need your respect. I just can't hit enough. Like you. fois vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, faut que t'écoutes la chronique Sécurité informatique. De retour à puissance maximale, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Ça va bien, toi? Numéro 1, et là Pierre-Luc, comme les gens le savent, et moi-même et toi-même, j'imagine bien, les dernières semaines ont été assez colorées, assez, disons, mouvementées au niveau de la sécurité informatique. Il y a beaucoup de cas, et là tu vas nous parler de trois choses cette semaine. Oui, donc ça a été un mois assez chargé. J'ai trois sujets donc dont vous avez entendu parler certainement d'au moins un. Le premier avec lequel je vais commencer, donc le fameux Celebgate, là, qui n'a pas entendu parler de la série de selfies là, qui ont été volées et rendues publiques. Donc c'est des selfies de personnes très très notables et très connues. Par exemple Jennifer Lawrence, pour n'en nommer qu'une, mais il y en a une centaine de personnalités connues. Ont été volés donc sur le site de backup d'Apple, qui est le Apple iCloud. Donc on parle de compte Apple ID qui aurait été hacké. Le compte Apple ID qui est en fait qui donne énormément d'accès, hein, donc à tous les services Apple, c'est-à-dire ça veut dire iTunes, oui, acheter de la musique, l'App Store, acheter des applications, essayer de trouver son iPhone via GPS, donc ça c'est un petit peu plus grave quand même, savoir la personne peut savoir où on est à tout moment. Destruction des données à distance, donc complètement vider son téléphone, et iCloud, donc qui aurait été utilisé, donc la fonctionnalité de backup d'iCloud qui aurait été utilisée pour récupérer ces photos-là. Et là, Pierre-Luc, les gens d'Apple disent que ce n'est pas une faille du iCloud qui aurait provoqué justement ce piratage-là. Certaines personnes, dont notre propre Andrew Castegan, avait pas trop l'air convaincu de cette déclaration-là d'Apple. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est difficile à dire tant qu'il n'y a pas de preuves. Ça a l'air d'être plutôt un genre de brute force, c'est-à-dire que... un brute force, c'est tout simplement essayer toutes les tentatives, essayer toutes les combinaisons de caractères possibles jusqu'à ce que ça marche. Okay. Et ça fonctionne uniquement sur des mots de passe faibles. Moi, en fait, en connaissance de cause, la création d'un mot de passe, la création d'un compte Apple ID, au début, c'était pas grand-chose, c'était pour acheter de la musique, bon, rien de trop compliqué. Donc les gens peut-être qui choisissaient des mots de passe un peu faibles avec un iPod qui n'était pas un iPhone à l'époque. Peut-être qu'il y avait juste pas vraiment de besoin. Donc les gens ils se cassaient pas la tête, choisissaient un mot de passe comme ça, un mot de passe qu'ils utilisaient ailleurs. Donc c'est probablement ce qui a été fait en fait pour ces personnes-là qui ont donc gardé ce mot de passe faible. Et au fur et à mesure que l'offre de Apple augmentait, on s'est rendu compte que il y a énormément d'informations qui se retrouvaient chez Apple disponibles avec l'Apple ID. Donc moi je pense que c'est plutôt une simple une attaque simple sur un mot de passe faible. Et en fait, c'est additionné aussi au problème qui est, côté Apple. Donc le problème de... il n'y a pas de limite sur le nombre de tentatives qu'on peut faire. Donc clairement, ça ouvre la porte au brute force. Parce que j'imagine que le pirate qui a fait ça doit avoir, c'est ça, des programmes qui font, qui partent justement en test non-stop jusqu'à temps qu'il trouve justement le bon mot de passe. Parce que ça doit être assez performant, une seule personne. Parce que là, pour le moment, on parle d'une seule personne qui a fait ça à une centaine de célébrités, tout le temps en testant les mots. Ça doit être un programme assez avancé. Oui, c'est-à-dire que c'est relativement simple à faire quand même, si c'est juste pour que ça tourne sur une seule machine. Mais on connaît pas en fait ses ressources à cette personne-là. Il pourrait avoir carrément un botnet qui a en fait un botnet, donc une grande quantité d'ordinateurs qui auraient été hackés par cette personne-là. Et donc il aurait le contrôle de ces machines qui tenteraient eux une grande quantité. Donc en fait on multiplie la force de l'attaque. par le nombre de machines qui sont sous le contrôle du hacker. Donc, on ne sait pas exactement comment ça a été fait. Il y a très peu de détails techniques qui sont ressortis, à part le fait que ça vient que du iCloud, là. Donc, c'est très difficile de faire une analyse, en fait, de l'attaque. Mais oui, en fait, ça devient très complexe si on parle d'un motnet. Là, on parle d'un hacker avancé qui envoie des commandes à plusieurs machines en même temps, puis qui compile les résultats à distance. Excellent. Et là, sinon, Pierre-Luc, au niveau, justement, des choses qu'il faut faire face à ce genre d'attaque-là, parce que là, on en parle souvent, il faut être attentif et tout, mais là, tes conseils par rapport vraiment à ce genre de situation? Ouais, donc justement, la porte d'entrée, le mot de passe, s'il est trop faible, c'est sûr qu'il va falloir le changer. Quand je dis trop faible, là, pour moi, un mot de passe de 8 caractères, c'est vraiment la limite. Aujourd'hui, bon, si on a un système de gestion de mots de passe comme KeePass, comme LastPass, bon, j'en ai parlé souvent, c'est des systèmes en fait qui se rappellent de notre mot de passe pour nous. Donc, il reste juste à se rappeler du mot de passe pour accéder à cette base de données-là. Donc, on peut se permettre à ce moment-là d'avoir des mots de passe plus long. Le problème avec Apple, c'est que ben justement, on a plein de... on a notre iPad, on a notre iPhone, on a peut-être carrément un Mac chez nous. Ce mot de passe-là, il faut constamment rentrer, donc c'est étonnant d'avoir un mot de passe compliqué, mais malheureusement, on est dans ce monde-là aujourd'hui, il faut avoir un mot de passe compliqué. Sinon, on pourrait vous dire de ne pas prendre de photos compromettantes du tout. Bon, l'humain étant ce qu'il est, on peut pas empêcher ça à 100%, mais sinon, bon, supprimer celles qu'on a prises, donc à la fois sur le téléphone, mais aussi sur iCloud, si c'était le cas, incluant les backups qu'on aurait pu prendre. S'assurer donc que les photos qu'on prend ne soient pas automatiquement envoyées au iCloud, ouais, puisque c'est possible d'activer cette fonctionnalité-là. Je sais que sur Android, c'est possible de pousser uniquement sur demande, c'est-à-dire dire « Ah, je suis prêt à envoyer telle photo, est-ce que tu acceptes ou non ?» Donc, à la pièce, c'est possible de faire ça sur Android. Je ne sais pas si c'est le cas sur iPhone. Sinon, activer l'authentification à deux étapes. Donc, on rentre son mot de passe, Apple nous envoie un SMS et avec un code dedans. Donc, il faut rentrer le code pour être vraiment authentifié. Donc, ça prouve qu'on a vraiment le téléphone entre nos mains. En plus de ça, Apple donc, va ajouter quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Par exemple, l'alerte au premier login d'une nouvelle machine. Donc, une nouvelle machine qui essaie de se loguer avec votre compte. L'alerte au changement de mot de passe. Donc, une alerte de type SMS. Toujours. Pousser les informations de l'iCloud sur une nouvelle machine, donc ça aussi, ça déclencherait une alerte. Donc, Apple, même s'ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils ont fait quand même des changements. Ça, et d'ailleurs, ajouter une limite au nombre de tentatives qu'on peut faire d'une même adresse IP source sur un compte. Donc, verrouillage du compte automatique après un trop grand nombre de tentatives. Excellent. Et là, justement, Apple amène des correctifs comme ça. On a hâte de voir si ça va être efficace, mais évidemment, les hackers sont toujours là pour tester ces nouveaux dispositifs-là. Ce sera à suivre. Mais bref, soyez encore une fois, mesdames et messieurs, très attentifs face à ce genre d'événement-là. Soyez, mettez-vous un bon mot de passe déjà, c'est un bon début. Ça va vous aider, mesdames et messieurs, à vous prévenir de ce genre d'activité. Monsieur Pelletier, on va se rendre à un deuxième événement, cette fois-ci quand même aussi assez important, cette fois-ci par rapport à Google, 5 millions de comptes hackés. Ouais, donc 5 millions de comptes hackés, ça représente beaucoup de personnes. On se rend compte que c'est sur les 5 millions de comptes hackés en fait qui sont rendus publics carrément sur un forum russe, disponible à n'importe qui. Ce sont des comptes, surtout des comptes russes. Donc, okay. On se rend compte que les mots de passe qui sont rendus publics ont environ 60% d'efficacité. Donc, ça nous fait croire qu'il y a probablement, ce sont probablement des comptes qui ont été volés d'autres sites site web, mais en fait des comptes pour lesquels le nom d'utilisateur était l'adresse mail, donc dans ce cas-là, une adresse Gmail. Donc d'ailleurs, les médias francophones ont parlé de cette nouvelle-là comme étant un vol de mot de passe Gmail uniquement, mais c'est bien le mot de passe Google, donc c'est le même mot de passe qu'on utilise pour accéder à Gmail, oui, mais à Google Plus aussi. Également, ouais. Ouais, donc tous les services Google. Donc ça inclut, moi dans mon cas, si j'ai un Android, j'utilise ce mot de passe-là pour justement faire l'équivalent d'iCloud. Mes backups, mes achats aussi sur Google Play. Donc il y a énormément d'information comme ça qui est liée à ce même mot de passe-là. Donc, pareil, il faut avoir un mot de passe qui est assez fort. Il faut activer la vérification en deux étapes, donc avec le SMS. Oui. On peut aussi vérifier si son mot de passe a été divulgué. Donc, via un site web qui est un peu difficile à on le mettra sur la page, sur la page Facebook, ouais, de l'émission, tout à fait. OK, donc, le changer s'il est compromis, bien sûr, ou s'il est trop faible. Donc, c'est toujours bien de changer son mot de passe une fois de temps en temps. Et puis, de toute façon, la vérification en deux étapes bloque tout hacker qui aurait votre mot de passe, mais pas votre téléphone entre ses mains. Excellent, donc voilà pour Google. Et sinon, comme un dernier sujet, Pierre-Luc, on va parler d'une chaîne de magasins assez connue aux États-Unis et aussi au Canada, Home Depot, qui a aussi été victime de hackers, je crois. Oui, exactement. Mais en fait, c'est dans la lignée de Target qui a été hacké en décembre dernier. Donc, on se rend même compte que c'est une évolution du même malware, du même code malicieux. Donc, potentiellement, ce serait peut-être même carrément les mêmes personnes qui seraient derrière les deux brèches. On parle donc de Home Depot présent, en fait, donc des magasins qui sont présents, aux États-Unis, mais aussi au Canada. Donc, des cartes de crédit canadiennes aussi. Qui serait tombé entre les mains de hackers. On n'a pas vraiment idée du nombre, du montant d'argent qui aurait été volé jusqu'à maintenant, mais c'est clair que les banques voient une différence dans le nombre de fraudes à la carte de crédit qui sont faites depuis que est sorti donc le 2 septembre environ la nouvelle comme quoi Home Depot avait perdu le contrôle de certaines cartes de crédit de ses clients. Donc, ce qui est surprenant, c'est que justement, Home Depot avait lancé un projet de sécurisation en janvier dernier suite à l'affaire Target. Donc, okay. Ils voulaient vraiment sécuriser puis s'assurer que ça n'arrive pas à eux comme ça venait d'arriver chez Target. Et ils avaient signé un contrat avec une société de sécurité pour chiffrer les numéros de carte de crédit. C'était une solution qui était en cours de déploiement. On se rend compte que au moment là, que cette nouvelle-là est sortie, on avait environ le quart de leur magasin qui était sécurisé avec cette solution-là. Donc, visiblement, ça n'a pas été suffisant. On comprend que eux en janvier avaient pris la décision de sécuriser davantage leur caisse. Le temps que ça se passe, c'est des grosses sociétés, c'est des réseaux complexes, il y a plein de magasins partout dans un environnement géographique très distribué, même dans des pays différents. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. Moi je suis bien placé pour en parler, puisque c'est carrément mon travail. Okay. De déployer des solutions de sécurité chez les grandes entreprises. On voit bien, on voudrait arriver, nous, puis faire tout de suite, mais il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut avoir, il faut tester aussi, déployer lentement, s'assurer qu'il n'y a pas de fait de bord, donc s'assurer que tout continue de fonctionner normalement, alors que au contraire les hackers, eux, sont très rapides. Eux, aussitôt qu'il y a une nouvelle faille de sécurité, ils en entendent parler, ils vont essayer de l'exploiter le plus vite possible, parce que la faille perd de sa valeur avec le temps, au fur et à mesure que justement les différentes entreprises réagissent puis se patchent. Donc c'est vraiment une course dans les deux cas, une course contre la montre. Après, pour le reste, concernant Home Depot, si vous avez fait des achats dans les 5 derniers mois environ, chez Home Depot, il serait important de regarder ces relevés de cartes de crédit pour être certain qu'on ne paye pas pour quelqu'un d'autre. Aviser sa banque, bien sûr, le cas échéant. Ça reste du bon sens, mais dans le cas d'un numéro de carte de crédit, c'est un peu plus simple. Il s'agit de regarder son relevé et vérifier si ça a été volé ou pas. Encore une fois, il faut être vigilant. C'est sûr que quand on va au magasin, on paye, là, on se dit « Ah, ben là, je suis au magasin, je paye avec ma carte, je ne suis pas sur Internet, donc il n'y en aura pas de problème, il n'y a pas de risque. » Ben, au contraire, mesdames et messieurs, il faut toujours faire attention aux relevés de carte de crédit, que ce soit en magasin, faites livrer une pizza à la maison ou que ce soit par Internet. Il faut être tout simplement vigilant. Regardez votre relevé de carte de crédit. Écoute, Pierre-Luc, encore une fois, une chronique des plus éducatives, mais aussi des plus importantes. Encore une fois, on rappelle aux gens d'être vigilants. Ben, merci beaucoup, Michael. Excellent, merci. Et on se voit le mois prochain. Mesdames et messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale. Et oui, le retour à puissance maximale, mesdames et messieurs. Vous avez entendu Pierre-Luc et sa chronique sécurité informatique. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient vérifier si leur compte Google était à risque, vous pouvez aller sur la page Facebook de Puissance Maximale. J'ai mis le lien dont Pierre-Luc parlait lors de sa chronique. Et vous avez entendu aussi tout de suite après la chanson Trashovania de Arm Cannon. En fait, une reprise libre de Arm Cannon de certains thèmes de la série Castlevania. OK, il va voir, je me lance là-dedans, moi. Moi, je me lance dans la série Castlevania. Il y a plein tente, ça tente réellement de sacrer comme un déchaîné parce que c'est tough. Ouais, je sais, mais ça a l'air cool. Moi, le lore, toi, est cool. Le quoi? Tout le lore, toute l'histoire autour est vraiment nice, mais c'est tough. Non, c'est ça. Ben, c'est tough. Le seul auquel j'ai joué, qui est un. En tout cas, d'après ce que j'ai compris au nombre de panels, les trucs que j'ai lus sur la série, celui auquel j'ai joué, c'est le plus mal aimé. C'est la version sur Nintendo 64. Qui avait pas été. Ben, en fait, c'est les pires commandes du monde, là. C'est pas jouable et tout. La pire manette ici, là, mais ça. Ouais. C'est ben, la manette. C'est bizarre. S'il y avait un joystick qui avait le sens du monde, ça aurait été une pas pire manette. Mais là, pas au milieu, mais là, à gauche, ça irait bien. Ouais, aussi. Mais bon, c'était pas. Ouais. Je sais pas si c'était la pire, mais en tout cas, c'est pas meilleur, ça, c'est sûr et certain. C'est pas le Virtual Boy, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Mais voilà, il faudrait que j'essaye. Ça a l'air cool. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu entendre. C'était le thème des nouvelles et M. Castagan, normalement, il y a sa chronique « Saviez-vous que? » Mais comme à son habitude ou presque, il ne l'a pas préparée. Alors, ça vient, ça vient. Là, je l'ai, là. Bon, ben vas-y. À l'origine, il y allait avoir un segment dans le jeu Full Throttle, un jeu d'aventure que tu connais. Oh! Full Throttle, mesdames et messieurs, un jeu point and click qui date de mon primaire, je crois. Vieux. C'est vraiment vieux, mais c'était... Un des classiques des studios LucasArts à leur âge d'or. Avec Day of the Tentacle puis Sam & Max. C'était bon ça, ce jeu-là, Full Throttle. D'ailleurs, je pense que c'était là, j'avais trouvé une version jouable, puis vraiment jouable, entre grosses guillemettes, de ce jeu-là sur Windows 7. Je me suis pas lancé encore, mais c'était cool, ça, ce jeu-là. Excuse-moi. Là, Mais c'est ça, il y avait une scène de prévu dans ce jeu-là où le joueur allait manger un cactus hallucinogène et qu'il allait se ramasser à jouer une séquence de rêve. Okay. Et ce segment-là a été retiré du jeu, mais le créateur a eu une idée, a créé un autre jeu qui s'est inspiré de ce segment-là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Psychonauts. Ça me dit rien, ça. C'est quoi? C'est un des classiques du jeu. Je vais t'envoyer le lien. OK. Je te fais ça là. Psychonauts. Il y a Marcus qui m'écrit sur Facebook. Marcus, on est occupé, on travaille. Marcus Fortier des deux snooze. On aimerait savoir la paix. Là, le copier-coller ne veut pas marcher. Bon, c'est pas grave. Continue. Non, ben, t'as peu. Je vais l'avoir. Copier l'URL d'image. Mais c'est quoi? Il s'est vraiment inspiré du bout complet. Du bout complet du rêve qu'il voulait mettre dans son jeu pour en faire un autre on the side. Un autre jeu. Et un excellent jeu, d'ailleurs. Je l'avais à l'époque que j'avais une Xbox. Ah, ouais. Psychonauts. OK, ouais. Avec l'image, tu le reconnais, là. Ouais, mais j'ai jamais joué, par exemple. Un excellent jeu, je te le recommande. D'accord. Donc, c'est bon à savoir, surtout que Full Throttle, c'était excellent. Ben, il y avait un bout où on pouvait jouer, tu sais, le fameux jeu au couteau où tu donnes des coups entre tes doigts, puis tu reviens à l'espace entre le pouce et l'index tout le temps. Tac, tac, tac. Le jeu super safe que tu vois qu'une coupe de verre dans le nez, là. Genre, mais tu pouvais faire ça dans le jeu, puis évidemment, quand on est. Avec une souris à l'époque, ça répondait pas. Ça répondait assez sauce à la boule. Ouais, c'est fait que là, tu te perçais toute la main, puis ça allait pas bien. Mais c'était un bon jeu, c'était cool, je me rappelle. J'ai vraiment des bons souvenirs d'avoir joué à Full Throttle. Et oui, les enfants, une époque, il n'y avait pas des lasers dans les souris, il y avait des boules. Ouais, ouais. Il fallait les nettoyer. Ouais, ouais. Et ça allait mal. C'est pas tout le monde qui pensait nettoyer ça. Non. Ben, comme non. Les claviers aujourd'hui, il y a bien du monde qui pense pas nettoyer ça. Voilà, merci beaucoup, M. Castagan, pour ce saviez-vous que. Autre nouvelle, allons-y. Ben, évidemment, la grosse nouvelle de la semaine, c'est on va en parler avec Andrew justement. On en a parlé. Ben, Julien aussi, il est là. Et Julien aussi, mais on en a parlé pendant l'émission du retour avec Manuel tantôt. Mais on va parler de la vente, en fait, de l'achat de Microsoft. Microsoft a acheté la compagnie Mojang. Minecraft. Tout à fait, c'est ça. Ils ont acheté Minecraft parce que finalement, Mojang n'a jamais rien ressorti d'autre, je crois. Quelques petits trucs, mais jamais rien de majeur. Non, c'est ça. Puis là, ben, évidemment, la communauté de joueurs est montée au créneau tout de suite parce que là, ils disaient que là, ça allait corrompre Minecraft et que ça serait plus bon jamais. Bon, on va se calmer les pompons, tout le monde. Mm-hmm. S'il vous plaît. D'ailleurs, allez voir le blog du créateur du jeu qui explique un peu son move. On en a parlé au retour. Ouais, on a parlé de la lettre que Notch a fait. Marcus Pearson, en fait, a écrit après la vente, parce qu'il savait ben trop qu'il allait se passer, les réactions qui se sont passées. Il s'est déjà planté avant pour des affaires mineures auxquelles il n'y avait aucun lien. Donc, non, c'est ça. Puis tu sais, il faut dire que la communauté... Tu sais, avoir la communauté de gamers aller, souvent, on fait... Ça vous tente pas de vous pogner les nerfs quand c'est le temps pour vrai, là? Tu sais, quand ils ressortent un Call of Duty identique... Encore, avec des... Non, avec... c'est pas des chiens, pas des chats, je crois, ou des lapins de combat. Ah, mais tu sais, juste avec... Ouais, le prochain, ça, ils vont rajouter des lapins armurés. Avec ce qui s'était passé avec là, récemment avec NHL 15, avec le retrait de nombreux modes de jeu, je comprends. Là, ils ont bien fait de pogner les nerfs. Mais là, on a un gars qui se fait offrir 2,5 milliards pour Minecraft. Qu'est-ce que vous auriez fait? Non, c'est ça, tu sais. Puis de toute façon, comme on en a parlé, puis comme Andrew a dit pendant le retour... Marcus Notch Pearson a redistribué une bonne partie de ce 2,5 milliards-là auprès des autres artisans et fondateurs de Mojang. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est évidemment qu'il s'est gardé un bon montant. Ça reste que le créateur original, c'est lui. Mais il a redistribué. Puis comme le gars, il dit « Moi, je suis pas un président de compagnie. Là. Moi, je suis un créateur. Je veux bidouiller, je veux gosser, je veux programmer, je veux pas gérer. » Tout ce qu'il y a à gérer avec une compagnie qui devient aussi populaire, surtout avec un produit aussi populaire, là, c'est ça. L'image avait l'air de le déranger beaucoup, d'être associé à des combats auxquels il n'était pas vraiment c'est ça. C'est partie moi, prenante. Moi, je comprends très bien le move qu'il a pu faire. Puis, tu sais, lui, en faisant ça, ça libère, ça va lui permettre de partir, justement, faire ce qu'il veut faire. Puis, grâce à ça aussi, les artisans à côté, les artisans des premiers jours de Minecraft, ben grâce à ça, ben ils vont avoir un petit bout d'argent de poche de plus. Puis, ils vont pouvoir continuer à travailler. Puis, comme on a dit avec Andrew aussi, le contrôle créatif reste à Mojang parce que, tu sais, ils ont acheté Mojang, mais, tu sais, Mojang n'est pas devenu... dans Microsoft, là, ça reste Mojang. La preuve, le jeu va rester disponible sur les plateformes mobiles, il va rester disponible sur Sony, il va rester disponible PC. Il arrête pas tout, là, puis les distributions sur les autres plateformes vont avoir encore leur mise à jour. C'est juste que Microsoft donne du personnel puis des outils pour faire en sorte que Minecraft aille plus loin. Là. Qui sait, un jour, on aura peut-être un Minecraft 2 en full HD, là, t'sais? Non, c'est ça. Qui sait? Mais ce serait le fun de continuer à voir évoluer tout ça. On va juste espérer que du côté de Microsoft, il reste ouvert comme Minecraft et Mojang l'a été. Mais moi, je pense que je suis une communauté qui s'inquiète de façon juste, je pense, dans ce bardo-là. C'est les modeurs. Parce que je sais que les modeurs avec Minecraft avaient quand même une bonne relation, un peu comme Bethesda avec les modeurs. Oh, oui, c'est jeu. Ça. Puis Microsoft, côté modeur, sont pas très, très, très chauds à l'idée, normalement, pour partager leur code. Donc, je pense que c'est la seule communauté de fans qui pourrait vraiment avoir de quoi se plaindre. Mais encore là, il a reçu, quoi, 2 milliards? Probablement 2 milliards. Qui aurait dit 2,5 milliards. Qui aurait dit non? Non, c'est ça. Tu sais, moi, les gens disent « Ah, c'est un vendu. » Quand vous aurez ce genre d'offre-là, là... On en reparlera. Moi, je veux dire, moi, c'est comme le monde qui chante contre les boys bands. Ouais, les boys bands, ils sont payés pour faire de la musique. Ben oui. T'aurais une belle gueule, tu ferais faire une couple de millions de dollars pour chanter des niaiseries. Tu le ferais. T'es chanté. Voilà, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que ça a été vendu. On espère, bien évidemment, que ça va continuer à rester un bon jeu. J'ai pas peur du tout à ce niveau-là. Mais bref, calmons-nous un petit peu, mes chers amis gamers. Voilà. Monsieur Castegan, autre nouvelle. Je t'arrête de répondre à Eric. Il a écrit de beaux gros pixels en full HD. Et moi de répondre, ben pourquoi pas? Ben oui, c'est les PC. Ils vont être encore plus beaux, plus lisses. C'est ça, il va en avoir plus. C'est ça. Les creepers vont être encore plus verts. Voilà. Exactement. Donc, M. Castegan, autre nouvelle. Ah, tu vas être content, Mike. Allons-y. Je suis sûr que t'attendais ce jour depuis toujours. Non! Goat Simulator arrive sur mobile, mesdames et messieurs. Pour 4,49$, vous pouvez avoir ce succès rempli de bugs et retrouver l'ensemble de glitch que la version PC a sur votre appareil mobile favori, Apple ou Android. T'as un peu Android, je l'annonce tout de suite. Exactement. Michael, il est parti tellement qu'il est enthousiasmé. N'importe quoi. Ça pourrait être pire. Ouais, ça pourrait être Rock Simulator. Bah, mais il est déjà sur... imagine le simulateur. Je suis sûr que ça va arriver parce qu'on y a pensé. Elle est longue, cette émission. Là, et Marcus, il dit, les snooze sont beaux, eux. Go le boys band. Ah, ben oui. On veut un simulateur de snooze. Ah, oui. Mais nous, vous voyez tellement que vous avez une belle gueule, vous avez deux shows, vous autres. C'est ça, deux shows par semaine. Mais ouais, le snooze de simulator, j'embarque. Mais tout ça pour dire que... On parle de Kickstarter, ça y est. Ouais. Snooze Simulator. On tient de quoi, les gars? On va se ramasser 50 000 pièces, nous autres aussi. Puis revendre ça pour 2 milliards à Microsoft. Ah, pas fou. Voilà, donc, une autre nouvelle inutile de la part de M. Castegan. C'est très utile. Mesdames et messieurs, Sony prévoit des pertes. Oui, Sony vient de revoir à la baisse ses prévisions pour l'année en petite forme. Depuis un moment déjà, le géant japonais s'attendait à des pertes, mais de seulement 50 milliards de yens. Les nouvelles prévisions tablent sur 230 milliards de pertes nettes, soit environ 1,7 milliard d'euros. Une déconvenue mise sur le compte de la division mobile de Sony et ses Xperia qui, au lieu d'enregistrer des gains, sont finalement dans le rouge, sérieusement concurrencés, entre autres par l'iPhone et, on va le dire, le Samsung qui prend de plus en plus du poids de la bête. La division mobile de Sony va donc devoir se serrer la ceinture, 15% de ses effectifs étant amenés à disparaître. C'est en train de lire la nouvelle, puis il y a une faute dans la nouvelle. Je dis, ouais, ça fit pas. Ça marche pas. C'est marqué ce n'est pas à la place de ce n'est pas. Ben c'est, ouais, non, donc, ce n'est pas la première fois que le constructeur se voit contraint de lâcher du lest pour éponger ses fuites. Sony a déjà fait une croix sur la fabrication de dalles destinées aux écrans LCD en 2011 afin de compenser des pertes sur le secteur de la télé et a revendu en début d'année sa marque de PC Vaio en perte de rentabilité. Bref, ça va pas très bien chez Sony. C'est vrai, moi j'ai eu un Xperia, pas un si mauvais téléphone, mais disons qu'au prix, j'avais payé ça le prix d'un haut de gamme, puis c'est pas la performance que j'avais entre les mains, donc je pense pas retourner de si tôt chez Sony. Je suis très bien servi de chez Samsung au niveau de la téléphonie cellulaire, en tout cas on verra bien, mais pour le moment ça va pas très bien chez Sony. Monsieur Castegan, aurions-tu une autre nouvelle, monsieur? Ouais, aurions-tu une autre nouvelle, monsieur? Oui. En fait, en fin de semaine, il y a eu le lancement de Super Smash Bros. Pour 3DS au pays du soleil levant. Domo Arigato, Mister Roboto. Et imaginez-vous que c'est un jeu qui a quand même vendu pas mal. On parle de 1 million d'exemplaires écoulés en tout juste 2 jours. Au okay. Japon. C'est assez malade. On s'entend qu'il vient de battre le lancement de la Xbox One et d'aplomb. Là. À 21 000 non, unités. As lonely as Xbox on the Japanese shelf. Non, c'est ça. 1 million, c'est beaucoup, beaucoup d'unités vendues en deux jours seulement. J'ai hâte de voir, mais que ça sorte à l'échelle internationale, à quel point ça va augmenter. Je sais que j'ai hâte qu'il sort. Moi, j'ai pas encore réservé ma copie, là, mais 3 octobre... T'es pas tout seul, il y a bien du monde qui a hâte de jouer à ça. T'es 3 octobre 2014, je te regarde. Moi, j'ai l'impression que l'année 2014-2015, au niveau des ventes de jeux consoles, le Nintendo, ils vont en ramasser pas mal. Avec déjà ce qui est sorti avec Mario Kart 8, j'ai hâte de voir... Et la semaine prochaine, Hyrule Warrior. Ouais, ça aussi, très entendu. Ça, j'espère que tu vas aller nous chercher ça rapidement. Il est précommandé. Oh, bon. Faut juste pas qu'il fasse comme avec la Wii puis qu'il lâche le morceau. Non, c'est après, ça. Genre, faire un batch de jeu aux 2 ans, c'est pas bon. C'est pas bon pour une console et pour un fabricant de cette même console. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, 1 million, ouais, c'est vraiment, mais vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir la suite pour l'international. Monsieur Castegan... Savais-tu que Master Chief pourrait être dans Destiny? Ouais, mais ça, je l'ai lu, la nouvelle, elle est vieille. Ouais, en fait, elle est vieille de 2 jours. Mais c'est un petit clin d'œil, évidemment, que les gens de Bungie voudraient faire. Donc, on dit que ce n'est pas complètement impossible si on en croit une capture d'écran qui circule en ce moment sur Internet. Le studio fait actuellement des gros titres avec la sortie de son FPS, massivement multijoueur. C'est principalement avec la saga Halo que Bungie s'est fait connaître du grand public, bien évidemment. Son héros, John 117, on va l'appeler comme ça, plus connu sous le nom de Master Chief, était devenu l'une des nouvelles icônes du jeu vidéo des années 2000. Donc aujourd'hui, la licence appartient à Microsoft et 343 Industries. J'aime les chiffres, j'aime mieux le dire en français, je sais pas pourquoi. Et qui lui est difficile de faire ouvertement mention à Halo dans ses nouvelles créations. L'équipe de développement n'a manifestement pas pu s'empêcher de cacher un petit clin d'œil dans Destiny sur Mars, pour être plus précis. Voilà, Bungie a d'ailleurs une certaine expertise pour les Easter Eggs. Donc, les joueurs ayant claqué les différents sons qui sont joués Halo, là, en long et en large, pourront en attester. C'est ce que dit la nouvelle. Donc, peut-être que vous pourrez tomber sur Master Chief dans Destiny. Écoute, rapidement comme ça, j'aimerais ça qu'on parle justement de Destiny, Andrew. J'ai hâte quand même de le tester, mais écoute, plus je me promène sur les internets, plus je me rends compte que c'est vraiment pas, mais vraiment pas une réaction... comment je pourrais dire ça, unanime au niveau des critiques. Il y a du monde qui ramasse ce jeu-là. Entre autres, un gars que j'aime bien, Benzaï, qui est un YouTuber français qui fait du test de jeu pas mal, il fait pas mal de let's play. Il fait une série très que j'aime bien, la série Hard Corner, que j'aime bien regarder. Mais ce gars-là, entre autres, est pas mal rentré dans la série en disant que ben, c'est très ennuyant. Avant ça, Banzai va être à Janimé, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais, on l'avait annoncé, mais on ne peut pas le répéter, parce qu'à Janimé, en janvier prochain, fin janvier prochain, ben, il va avoir Banzai. On savait qu'il allait avoir John Lang, donc Pen of Chaos, le créateur du donjon de Nelbuck. Mais il va aussi y avoir Banzai qui va être là, et aussi quelqu'un que Endo aime bien. Doug Walker. Oui, Doug Walker sera... Nostalgic Critics. Sera présent et là aussi. Je suis sûr que Luc nous écoute, là. Je veux une entrevue avec Doug Walker, OK? Mais tu sais bien qu'on va en avoir une. On est VIP, nous autres, à ouais, Janimé. J'anime des activités avec M. Banzai. Ça va être malade. Ça va être malade. Mais justement, Banzai, parlant justement de Destiny, est quand même rentré assez fort dans le jeu-là en disant, regardez, il se passe rien, c'est pas intéressant. C'est sûr que le jeu vient de sortir, mais en même temps, encore une fois... Je vous rappelle, il y a 4 planètes disponibles depuis le début, depuis le lancement de ce jeu-là. Assez limité, d'après ce qu'on peut lire ça, dans le gameplay. Tout ça pour le prix de lancement, full prix. Puis là, le monde va devoir acheter des DLC. Je suis tanné. Sans farce, je suis vraiment tanné que le monde... Puis après ça, il y a plein de gens qui marquent sur Internet. Je vais te dire pourquoi. Faut donner une chance à Destiny. Il laissait le temps de mettre sur... Ouais, mais non, mais je vais te donner une explication. Vas-y donc. À part Bungie, c'est qui a travaillé sur le titre? Activision. Ouais, non, c'est sûr. Là. Et qu'est-ce qu'Activision fait? Call of Duty. Ouais, non, je sais pas. Et s'il y avait un jeu que à chaque fois que je joue, j'ai l'impression de m'être fait sodomiser dans le derrière... Avec du sel. C'est Call of Duty. Non, c'est sûr. Mais sans farce, puis en même temps, les gens, j'ai encore vu des commentaires disant que Destiny allait révolutionner les FPS. Moi, ce que j'ai entendu, c'était très proche de Borderlands. Ouais, ouais, c'est dans le même genre. Ça révolutionne rien, c'est juste moins, c'est Borderlands en moins drôle. Ouais, ben en fait, c'est Borderlands avec moins de choses, pour être plus précis. Voilà, c'est ce que je me suis fait dire aussi. En plus beau. Et au niveau... Et encore. Il y a même au niveau gameplay, ça, que ben du monde, que ce que j'ai regardé sur Internet disait, c'est que il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à ce qui se faisait dans le Halo multiplayer, mais c'était beaucoup mieux fait dans le Halo. Donc, en tout cas, je voulais lancer ça comme ça, parce que moi qui pensais que ça allait devenir la coqueluche, mais la plupart des joueurs que je connais qui l'ont sont bien contents de l'avoir. Ça font bien du fun. Moi, au niveau shooter, bien, évidemment, sur console, je suis vraiment pas un fan. Moi, un shooter, je joue sur PC, je suis vraiment pas bon. J'ai toujours moins aimé ça sur console, donc c'est sûr que je suis moins porté. Si j'ai la chance d'y jouer, tant mieux, mais sans faire, ça m'attire pas plus que ça. Puis moi, honnêtement, je dirais que depuis qu'on installe les systèmes de niveau dans les shooters, je m'ennuie. Ben, dans Battlefield, il n'y avait pas vraiment de problème. Je m'ennuie du bon vieux Battlefield 1942, c'est que t'as des maps gigantesques, 60 personnes, du monde les mêmes guns, puis que le meilleur gang. Ouais, mais sur Battlefield, je te dirais, en tout cas, dans le 3, je suis pas tombé dans le 4 encore, mais Dans le 3, il n'y en avait pas de problème. Ouais, là. C'est que dans le 3, tant que tu n'as pas de système de visée sur ton gun, ça va mal. Il faut que tu aies au moins de quoi tu peux compétitionner. Ouais, ben même au début, moi, je faisais quand même des bons scores. Là. Andrew, moi, moi je n'ai pas eu de misère non plus. Ça allait bien. Puis on jouait en version pas de visée. Pas de visée, de base. Je déteste les mecs. Ça on allait en mode hardcore. Ouais, c'est hardcore. Ça nous prendrait... Je pense qu'on va se le sortir, ce son-là. Qu'Antoine Daniel utilise dans son What the Cut. Là. On ouais. pourra se le mettre dans notre soundboard. Voilà. Monsieur Castegan, il est 19h50. Je pensais que tu voulais une autre nouvelle. Ah, ben tu peux y aller. Lance-toi, t'es prêt comme ça. Là. Ben il y aurait un démo de Final Fantasy XV qui serait intégré avec Final Fantasy Type 0 HD Remaster Edition. From Hell, with Kittens. Il sortirait le 17 mars prochain. OK. C'est encore au stade de rumeur, mais il y a eu un article qui est sorti, je cherche le nom du magazine, Game Informer, dans les colonnes de Game Informer, qui disait il y aurait un démo disponible en 2015 du jeu pour tester la mécanique, parce qu'il faut savoir que Final 15 va plus vers l'action, un peu comme Kingdom Hearts. C'est fait par la même gang d'ailleurs. Et il y aura un démo disponible dans ce Final Fantasy-là à partir du 17 mars. Donc, croisons les doigts parce que je veux rien savoir de ce Final-là, mais je rêve assez la nuit de ce Final Fantasy XV-là que je serais peut-être tenté de l'essayer. Ben, qui sait, moi, ça fait longtemps que j'ai décroché de Final Fantasy. Depuis le 7, j'en ai... Non, ben moi, c'est vraiment par principe que c'est la gang de Kingdom Hearts. Ah, OK, ouais. J'ai fait le 15, fait que... Moi, ça allait bien. Le 12, c'était le 10, j'ai décroché. Le 12, j'ai laissé une chance. Puis le 13, j'ai essayé de lui donner une chance. Julien, il y a une règle non écrite. Tu n'étais pas chroniqueur à l'époque, mais ça, c'était à l'époque de Vincent puis de François Gécouillard. On ne parle pas de Final 12 ici. Ça n'existait pas. Toi-même, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette règle. Non, hein? Justement, parce que quand j'ai rendu animateur, c'était passé. Non, là, ouais. Julien, il veut ramener ça sur la table. Non, Julien. Non, méchant Julien. C'est comme me parler du film des Tortues Ninja de Michael Bay. On ne fait pas ça. Bon, on peut marquer pas le Michael Bay pour le bâcher. Oui, ça, c'est correct. Bon. Voilà, donc... Tortue Ninja Endo. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'était la dernière nouvelle de la première heure de Puissance Maximale, parce qu'il est 19h52 à CGMD-FM, à 96.9 Lévis, et il est temps de passer en pause musicale de mi-émission pour nous, chères auditrices et auditeurs, et on va se lancer dans deux styles musicaux, différents. On va y aller tout d'abord avec les Colocs et leur version du pudding à l'arsenic du film d'Astérix et Obélix. Vous allez évidemment reconnaître la chanson. Et tout de suite après, on se lance dans le power metal avec le groupe que j'aime bien, Blind Guardian et Nightfall. Tout ça, mesdames et messieurs, à Puissance Maximale. À CGMDFM 96.9 Lévis, on entend ces deux tunes-là et on revient tout de suite après pour des BD et d'autres nouvelles musiques. Un tour de vis! Alors, mon bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique? Ce sera du gâteau! Ah bon? Beignet mortel? Non. Clafoutis au cura. Classique. Macaron foudroyant. Non. Tarte au venin de vipère. Pain tout. Ok. Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites-y tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiens-tire du sang de lézard, bouillir dans un thé à coudre et un peu de sucre en poudre. Non.

puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, mesdames et messieurs. Tout juste avant notre retour, vous avez entendu le pudding à l'arsenic des colocs et Nightfall de Blind Guardian. Et là, nous sommes de retour pour parler bande dessinée avec M. Julien Materne. Rebonjour, Julien. Rebonjour à tous. Et là, Julien, tu vas nous parler de 4 BD ce soir. Et par quoi veux-tu commencer? Je vais commencer par celle qui n'est pas dans la thématique. OK. Why the Last Man? Why the Last Man, c'est une BD faite par Brian K. Vaughan, Pio Guerra et José Marzán Jr. On voit que c'est tout très, très latino comme nom. Là, Julien, je t'arrête tout de suite. Non, c'est parce que tu m'as tout envoyé les BD. Ouais. Je peux pas les partager à partir du groupe. Download les photos. c'est ça que j'aurais pas le choix de faire, donc tranquille. Ah non, je peux le faire. D'accord, c'est beau. Oh yeah. C'est parti, donc continue, excuse-moi. Donc, Why the Last Man, j'en parle parce qu'apparemment, il y a des grosses rumeurs que la série s'en viendrait, série télé. On sait que ce qui est à mode, c'est adapter des séries télé ou des films de zombies en série télé. Des BD en série télé, mesdames et messieurs. Merci série de zombies. Quoi que, puis aussi, les remakes de séries sont pas mal à la mode, mais bon, ça, repassons. Why the Last Man serait dans les plans pour une série télé. C'est quoi le concept de Why the Last Man? C'est une série de Vertigo Comics, on va commencer, c'est une série plus mature, un peu plus obscure. Dans le fond, Why the Last Man, c'est la joke, c'est dans le titre, c'est Why, Y, pour le chromosome Y, qui est le chromosome des mâles. D'accord. Donc, dans cette BD-là, ça commence, tous les mâles de toutes les espèces meurent d'une shot. OK. Pourquoi? On ne sait pas, il ne reste que des femmes. Sauf un homme et son singe. Un homme et son singe. Un homme et son singe. Ah, ça serait bon, ça. C'est merveilleux. Donc, ce gars-là, qui porte le nom de Yorick Brown, doit parcourir les États-Unis pour, en fond, envoyé par sa mère qui travaille au gouvernement pour comprendre pourquoi lui n'est pas mort, premièrement. Deuxièmement, pour trouver une solution pour un repeuplement possible. Et, s'il vous plaît, pack la singe. Dead by Snoo. Et surtout, éventuellement, trouver un moyen d'aller en Australie rejoindre sa bien-aimée qui l'attend là-bas. OK. Bon, ça, c'est le prémisse. Évidemment, un monde sans hommes, on pourrait penser que tout va bien, les femmes ont pris le dessus, tout va bien, il n'y a plus de guerre. Tout... Non. Ça serait trop facile. Ce serait trop facile, voyons. Fait que, évidemment, la moitié de la population vient de disparaître, donc le bordel punk total. On a une espèce de monde à la Mad Max où un peu. C'est la règle de la plus forte. Et notez ici, il n'est pas de le plus fort parce qu'il ne reste plus d'hommes qui l'emportent. Le monde est un peu au désespoir parce que tout le monde a perdu son mari, ses enfants, son père. C'est un peu le bordel à l'échelle globale. Vu qu'il manque la moitié des employés de tous les postes de travail, bien sûr qu'un aéroport, la moitié du staff, ça va un peu moins bien. Une radio, la moitié du staff, ça va bien. Puis un gouvernement, c'est 90% du monde, on est des vieux hommes blancs. Ça va un petit peu moins bien aussi. Donc, c'est un peu le chaos qui s'ensuit. Donc, lui, tout doit naviguer à travers tout ça. C'est sûr qu'il rencontre des femmes extrémistes, Amazon, qui disent « Bien fait, on s'est débarrassé des hommes, vivons entre sœurs en paix, en tuant ce qui reste d'hommes s'il en reste. » Et tout le travail. Donc, c'est un peu une critique sociale du fait que, un peu, je dirais pas une critique anti-féministe, c'est très féministe parce que, ça montre la femme qui prend un peu de pouvoir, mais je veux dire, du fait que, l'humain reste un humain, femme ou homme. Je trouve que c'est une bonne BD là-dessus. Je me suis pas rendu très loin, mais c'est assez solide, assez mature. Dans le fond, lui, notre ami a des visions des fois, c'est tout le temps comme Mike peut le voir. Je viens de tomber sur une vision, ma foi. What the? Ouais, c'est ça. Ben, c'est vraiment. C'est ça, plus pour adultes. Oui, non, c'est quelque chose de... J'aime bien le dessin, en tout cas. C'est assez solide. T'es accompagné d'une agente secrète qui est attachée au président, qui va le suivre partout. D'ailleurs, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que vu que la règle de succession au gouvernement, c'est toujours de ministère à l'autre, un ministère moins plus important, un ministère moins important, puis que le président est mort et que la part des ministres sont des hommes, bien, c'est la ministre de l'Agriculture qui se ramasse présidente. OK. Je trouve ça particulièrement drôle. Donc, Why the Last Man, disponible chez Vertigo, de Brian K. Vaughan. Donc, très intéressant. Comme Pia Guerrera et José Marzán Jr. Série télé qui s'en est probablement très bientôt. Une histoire de route, dans le fond. C'est vraiment une histoire de route. C'est un bon plan pour une série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mmh. Mais ce qu'on suit, comme dit, le gars, il fait le tour, il fait le pays d'un bord à l'autre pour aller d'un laboratoire à l'autre pour trouver une solution, une réponse à sa survie. Ah, c'est très intéressant. Ensuite. Oui, oh, ça va vers quelque chose qu'on connaît bien. Ouais, ben on s'enligne. Je me suis dit, oh, j'allais vu qu'il y avait dernièrement Seconds de Brian Lee O'Malley, qui avait sorti. Je me dis, on va faire un petit tour de la carrière de cet auteur canadien. Oui, qui vient de Toronto, parce qu'on pense, oui, c'est ça pourrait être américain. Ben non, tout ce que Scott Pilgrim et compagnie, c'est bien et bien un produit canadien de Toronto. C'est pour ça que ça se passe à Toronto. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier que personne, beaucoup de monde pense que c'est un manga. Oui, je sais que c'est très inspiré du manga, son style de dessin, mais ça reste aussi très inspiré des codes de du comic, surtout du code du comic book. Tu as le même coffret de la moi, BD Julien. Européenne. Et aussi, oui, du manga au niveau du trait. Mais je pense que la similarité, ça atteint ce stop-là. Là, j'essaie de sortir Scott Pilgrim du boîtier qui est un peu trop serré. Le boîtier est vraiment hot, par exemple. On va commencer par Scott Pilgrim, qui est son premier succès, je pense, sa première vraie BD, et qui est en 6 volumes. Scott Pilgrim, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un jeune paumé dans la vingtaine qui tripe ses jeux vidéo, qui tripe sa musique, qui est dans un band indie, qui veut percer, dans le fond. Ça raconte un peu sa rencontre avec une fille qui s'appelle Ramona Flowers, qui va être, dans le fond, le coup de foudre total. Mais là, ce qui complique les choses, c'est qu'il y a 7 ex-maléfiques à vaincre avant de pouvoir sortir avec. C'est là qu'un peu que le shit hit the fan, comme on pourrait dire, où c'est que les choses se corsent. Et où est-ce qu'on embarque un peu dans la métaphysique et la physique quantique à travers tout ça aussi un peu. Ce qui est un peu touché dans le film, que je pourrais parler un peu plus tard, qui est une très belle adaptation. C'est sûr qu'en dedans de 2 heures, on ne peut pas faire 6 volumes, mais non. Ça résume extrêmement bien la BD. Sérieusement, bien que ça coupe des gros coins, il y a des explications dans le film qui sont dans la BD, comme par rapport tout l'aspect de la porte qui sort de nulle part, Ramona. Oh oui. Dans la BD, c'est très bien expliqué. Ah, c'est le concept de physique quantique, un peu bizarre, mais ça fait parfaitement de sens. Ou le fait que pourquoi les 7 ex sont là, ou on se rend compte que dans le fond, Scott Pilgrim, c'est l'histoire d'un jeune homme qui devient un adulte, dans le fond. C'est un peu son passage à l'âge adulte. C'est un rite initiatique un peu. C'est qu'il va se rendre compte que oui, il a été irresponsable et con toute sa vie, ce qui est un peu expliqué dans le film quand il se bat contre Nego Scott. Mais là, on le voit à travers ses ex et à travers les 7 ex de Ramona, qui a, dans le fond, lui, un peu se ferme les yeux sur les conneries qu'il a faites, les vacheries qu'il a faites à ses ex et à ses amis de filles pour toujours essayer de se conserver comme un bon gars alors qu'il ne l'est absolument pas. Ah, moi, je suis en train, c'est ça, là, tu parles, je suis en train de remémorer ça. De feuilleter ça, je trouve ça très drôle. Moi, je réécoute le film. Oui, effectivement, ça en faire, il va falloir que je me lance dans la lecture de Scott Pilgrim parce que juste à feuilleter ça, j'en vois des bouts, c'est très intéressant de voir l'œuvre originale avec aussi le graphisme qui est utilisé. C'est comme dit, c'est très, très sur le trait manga et BD européenne beaucoup, mais ça répond beaucoup au code du comic book. C'est vrai que c'est construit comme un comic book. C'est vraiment bon. Mais ce qui est intéressant, comme je dis, c'est au niveau vraiment, c'est 6 volumes assez épais quand même, qui ont été refaits en couleur récemment. C'est un peu d'argent à mettre dedans. Au lieu de payer un 12$, c'est un 20$, mais vous avez l'édition couleur hardcover des 6 volumes. Oh, encore de dépenses. Eh oui, Andrew, malheureusement. Ça a l'air d'être par exemple, c'est une belle dépense. Ah, c'est une belle dépense. C'est vraiment, je pense, une pièce à avoir pour tous les amateurs de bande dessinée. Je suis tout à fait d'accord. Surtout pour les fans de jeux vidéo, parce qu'il y a énormément de références aux jeux vidéo pour là-dedans. Pour ceux qui ont vu le film. J'ai adoré cette série-là, et quand j'ai vu qu'il y avait sorti un coffret, puis que sur Internet était back-order partout, je peux pas le nommer, je trouve ça plate, là, mais il y a une boutique à Québec là, qui en a. Des hot qui en parlent. C'est ça. Première issue. Non, pas la nommer. Chut. Manu nous écoute peut-être. Non, ok. Non, mais. on va l'appeler Pi. Ouais, ok. Ça veut dire que c'est une œuvre culte, je pense, dans le comic book. C'est assez récent quand même. Il faut dire que le film aussi est excellent. À voir, c'est très, très bon résumé de la série. Et il y a le jeu aussi qui est sorti sur les plateformes PSN et Xbox Live. Le Beat'em Up, j'avais extrêmement dur. Ouais, il est assez tough, mais j'avais bien aimé. Je m'étais pas rendu loin, mais j'avais bien aimé ça. Beat'em Up à la Double Dragon. Oui, avec une saveur rétro assez solide. Mais ouais, c'est excellent. Dans le fond, Scott Pilgrim, vraiment une lettre d'amour à la vingtaine, aux jeux vidéo, à la musique indie aussi, beaucoup de références à la musique indie aux années 80. Beaucoup aussi de références à la ville de Toronto. Donc, pour les gens qui connaissent bien l'Ontario ou la ville de Toronto, parce que Brian Lee O'Malley a grandi là. C'est ça, pour le monde qui tripe sur Toronto. Moi, j'aime Toronto. Moi, je tripe là-dessus. On va dire, pour reprendre un scotch, j'ai bleu pogne. Yé, Ontario! Et c'est bon. On doit être à peu près 4 à avoir compris la référence au bleu poudre. Monsieur Materne, on va passer à ta troisième BD. Ensuite, à son deuxième œuvre, voire son septième, sa septième BD, parce que Scott Gilling s'est fait en BD. C'est Lost at... C'est BD? C'est Lost at Sea. Voilà. Qui est une soirée un peu plus introspective, moins d'action. Scott Pilgrim, c'est bourré d'action, ça se tapoche à tous les coins de rue avec les 7 ex. Mais néanmoins, excellente. J'ai adoré aussi Lost cette œuvre-là. Lost at Sea, que oui, je crois qu'Andrew avait lu aussi. Je les ai toutes. Il y a juste le dernier, le second, ce que j'ai pas. Que t'as pas et que moi, j'ai lu. Lost at Sea, c'est très introspectif. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Riley, une fille qui sort du secondaire à peine, 18 ans, fraîche pète, sortie du secondaire, fait un road trip avec des amis qu'elle connaît à peine parce qu'elle n'a jamais vraiment eu d'amis au secondaire. C'est du monde qu'elle connaît comme ça. Puis elle est convaincue que son âme, elle l'a perdu. Un chat lui aurait volé. OK. Donc, c'est l'histoire d'un road trip du Canada jusqu'aux États-Unis. OK. Avec ses nouveaux amis. Évidemment, elle parle de Toronto. Oh oui, évidemment. Elle va apprendre à se connaître à travers ça aussi, puis à passer à l'âge. Un peu, encore une fois, le thème de récurrent de Brian Lee O'Malley, ouais. Le passage à l'âge adulte. Un peu à passer à autre chose, à passer par-dessus la perte de son âme, entre guillemets. De Tu disais très, très introspectif. Très, très. Beaucoup de dialogue interne, beaucoup de réflexion. On reconnaît le trait de crayon d'O'Malley, hein? Ouais. C'est flagrant. Beaucoup de courage après les chats aussi. Pas des chats. Des pleins de chats. Et ils volent des armes. Ouais, je savais pas que les chats, c'est les rois de l'Internet et maintenant les rois de la BD. Je pense que je ne le dirais pas, finalement. Il y a des chats. Non. Ça a l'air très bien. Très intéressant, encore une fois. Ça reste dans la continuité de ce que Brian O'Malley faisait. Là, je peux m'aligner peut-être sur Seconds, qui est son dernier ouvrage, qui a été un peu plus long à sortir que tous les autres parce que c'est vraiment une brique en couleur. OK. Seconds, encore dans les rites de passage. Donc là, on passe du monde de début vingtaine à la trentaine, parce que c'est vraiment l'âge de l'auteur maintenant. Okay. On suit là-dedans une restauratrice qui est tout en couleur, super bien monté volume, dans le même style que d'habitude, ça reste dans le style de Scott Pilgrim et compagnie. Du moins, comment on monte ça? C'est l'histoire d'une jeune cuisinière dans le début de trentaine qui vit un peu dans le passé, qui veut partir son propre restaurant, mais reste coincée dans le restaurant qu'elle a aidé à partir en tant que cuisinière à l'époque. Et vous savez qu'elle est un peu plus vraiment nécessaire parce qu'elle a démissionné depuis longtemps, mais elle habite au-dessus dans l'appartement. donc, elle est toujours dans la cuisine en train de dire aux autres quoi faire et comment le faire. Puis qu'elle réfléchit sur toutes ses erreurs de sa vingtaine, comment ça aurait pu mieux tourner, comment elle aurait pu faire ça, puis comment le passé, dans le fond... Lui ruine sa vie en ce moment. Faut dire que le graphisme, comme ça qu'on regarde vite, faut savoir c'est qu'elle enfantin a 30 ans. Peu, c'est ça. C'est faut savoir c'est un peu enfantin. C'est ça. Mais le beau drôle, c'est qu'un jour, l'esprit de la maison vient la voir et lui propose de prendre un champignon et de noter ce qu'il voudrait changer sa vie. Prends le champignon. Prends le champignon, la petite. Ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller. Marc se fait et dort dessus. La main, elle écrit, je me souviens plus ça, qu'est-ce qu'elle écrit la première fois. Je veux changer ça dans ma vie. La main, hop, c'est jamais arrivé. Puis encore une fois, on retourne encore dans les thèmes de O'Malley avec justement des cas de physique quantique, des univers parallèles. Donc, à chaque fois qu'elle prend un champion, on se rend compte c'est parce qu'elle change d'univers. Ou c'est que cette décision n'a pas été prise. Parce qu'on sait que dans la physique quantique, la théorie dit que pour chaque décision prise, chaque fourchette dans l'univers crée un nouvel univers parallèle. Non, c'est ça. Donc, elle voyage un univers parallèle et fout le bordel à travers une ligne complète d'univers parallèle en les ramenant ensemble. Oh, oh, oh! Parce qu'évidemment, elle trouve le stash de champignons de l'esprit de la maison. OK. Et ça fout qu'on fait un bordel monstre à le champignon tous les soirs. Un stash de champignons, ben on se bourre dedans. Et voilà. Tous les soirs, elle s'en tape un en disant « ça, j'aurais fait ça différemment ». Fait qu'elle se ramasse mariée à son ex. Elle change. Il y a plein de choses pour se rendre compte qu'à la fin... c'est un peu le cas de j'aurais donc dû rien faire de tout ça. Ouais, c'est ça. Et prendre ses responsabilités, encore une fois, comme dans Scott Pilgrim. Dans les histoires de voyage dans le temps et justement d'une lettre temporelle, c'est souvent la leçon qu'on reçoit, c'est tu sais, assumons ce qu'on a fait, assumons nos responsabilités. On va tellement être plus heureux comme ça. Non, c'est ça. Non, super intéressant, ça, j'avoue. Là, c'est vraiment, vraiment une belle suggestion. Ah, une brique. Donc, Seconds, donc un graphic novel de Brian Lee O'Malley, auteur également de Lost at Sea et de Scott Pilgrim, dont... Je dirais, Seconds, si votre cas de le trouver, achetez-le parce que il est tombé en rupture de stock assez souvent, je dirais, récemment. Ouais, mais... J'ai été chanceux, Seconds. Celui que tu as entre les mains. Hein. Là, ça t'est très rare. Non, non, Scott tu ne l'as moins. Pas. C'est moi qui l'ai. C'est à moi. C'est à moi, c'est le mien. C'est ma BD. Il n'y a pas écrit Julien dedans. Non, non, non. C'est bien à moi. Je peux le faire ta face, tu veux. Non, c'est ça. Excellent. Donc, c'est quand même des produits relativement rares. Si vous êtes, intéressé, vous tombez dessus. N'hésitez pas trop avant de l'acheter. Donc, on parle de Seconds. On a parlé aussi de Lost Atty de Brian Lee O'Malley, de Scott Pilgrim également, du même auteur. Toutes ces œuvres, pardon, sont chez Honey, donc Press. Sauf le dernier. Donc, ah ouais, le dernier n'est pas Honey Press? Non, il a déménagé à Los Angeles apparemment, le petit gars. Bayantine Books. Ouais, il a déménagé. Il n'est plus au Canada, le petit monsieur. Il est tanné. Il dit « Ah, je fais de l'argent, fuck Toronto. » Ouais, ça probablement. D'accord. Il est allé à une place où il se passait quelque chose. Oh! Ontario! On s'excuse. Désolé. Et sinon, il y a aussi Why the Last Man. On a parlé au début avec Brian Key Vaughan, Pia Guerrera et José Marzan Jr. chez Vertigo pour les intéressés. Encore une fois, merci beaucoup, Julien, d'être passé. Ben, ça fait plaisir. Tu es bien évidemment invité à rester encore une fois jusqu'à la fin de l'émission. Yama! Pour Yama! Pour parler avec nous de différentes nouvelles ludiques. Non, il reste assis puis il dit rien. Non, c'est ça, c'est tétoué. Donc, merci, sois belle. Merci beaucoup, Julien. Monsieur Castegan, il est temps de retourner en pause musicale et on va y aller avec la gang de Bodakdan. Je suis pas d'accord, Michael. M'en fous. Je voulais dire quelque chose avant. Ah ben vas-y. On va avoir deux bars de Nutella qui vont ouvrir à Montréal. T'en penses quoi là-dessus? Ben, moi, je pense que pour faire le Nutella, ça prend de l'huile de palme et de l'huile de palme pour en faire. Ça prend de la palme et il faut faire et détruire beaucoup, beaucoup de forêts sur Terre pour faire de l'huile de palme juste pour du Nutella. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on puisse aller au Costco puis s'en acheter genre comme 3 tonnes? Un bar à Nutella, ouais, c'est ça, c'est-tu vraiment nécessaire? Bon, certains diraient que des bars à la base, est-ce nécessaire? Oui. Donc, voilà, c'est dit. Pas besoin d'argumenter là-dessus. On a là-dessus. Soif, c'est on a tout, soif. Hein? Il fait soif, comme il dit l'autre. Monsieur Castegan, on va y aller avec la gang de Bodakdan et Lambe Andro. Et vous allez entendre la toune, ça va vous dire quelque chose. Un vieux classique du rock français repris à la sauce Bodakdan. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis! Vous écoutez Puissance Maximale et c'est une présentation de GC. J'ai des tatas, là. Mais oui, de retour à Puissance. Je m'attendais comme pas. Tu l'avais oublié, ouais, hein? Je l'avais comme oublié, cet indicatif-là. GC, le partenaire de l'USUC, qui nous avait fait un ID, je suis comme surpris un peu. Ouais, qu'on se garde. Vous écoutez Puissance Maximale et c'est une présentation de GC. J'ai des tatas, là. Ah, merci beaucoup. Et voilà, avec c'est la fait. Journée que j'ai eue, ça fait du bien. J'ai rendu Michael heureux. Ouais, bien content. Merci, GC, de présenter Puissance Maximale. Et nous sommes de retour, justement, à cette, la même dite émission, donc Puissance Maximale, tout de suite après l'Ambeandro de Bodakdan. Et là, nous sommes de retour en nouvelle ludique, mesdames et messieurs. Monsieur Castegan? J'ai menti, j'en avais pas. Non, en fait, moi, je suis content pour la nouvelle que je vais dire. Le prochain Total War sera annoncé le 25 septembre prochain. Ben, c'est des excellents jeux, Total War. Disons-le, c'est lancé là, dans l'air, mais si vous êtes contre... Vous serez fusillé à l'aube, comme le veut la tradition. Voilà, c'est dit. Allez, en synchro, on fait un vœu. Continue ta nouvelle. Non, mais bref, maintenant que Alien Isolation est passé en gold, chose à savoir, quand on dit passé en gold, ça veut dire que le jeu est passé à l'étape de production. Woohoo! Donc, le studio de Creative Assembly, le jeu qui est derrière Alien Isolation, va faire une annonce prochaine à propos des informations sur les autres franchises Total War. Donc, ça serait... Total War. Ah, d'accord. Donc, ça va être pendant le GX 2014 Salon de jeux vidéo à Londres, qui a lieu le 25-28, encore du stock à couvrir. C'est-tu n'importe quoi? Mais bref, annonce du nouveau titre. Ah non, pas du contenu. C'est ça, j'ai ça. J'ai ça, moi. Moi, je veux plus de bière, moins de contenu. Mais bon, tout ça pour dire l'annonce... Vos animateurs sont sous. Non, mais l'annonce du nouveau titre aura lieu le 25 septembre, en après-midi, pendant une conférence du dit développeur. Ce qui n'ont pas dit, ça allait être un Rome, un Shogun, un whatever. Non, non? Aucun bon. Détail pour le moment. On sait juste qu'il va y avoir une annonce. Ta mère, Total War. Total War, ta mère. Non, mais ça serait cool, un Total War, deuxième guerre chez Sega. Ce serait le fun. Ah, ah, répète. Comme les vieux Close Combat de Microsoft. Un RTS Deuxième Guerre. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un bon. Close Combat, de Total War, ça. Ouais, j'avoue que ça pourrait être... Ça pourrait être intéressant. Ou Première Guerre. Tu sais, justement, on en parlait avec, avec Valiant Hearts puis Verdun, dont Diego nous avait parlé. Il n'y a pas... Ben, en fait, les jeux sur la Première Guerre mondiale sont à peu près inexistants. Donc, ça serait peut-être intéressant aussi, la Guerre des Bouchers, là, version jeu vidéo. J'attends pourquoi pas? J'attends Battlefield qui est en Première Guerre mondiale, moi. Ça serait cool, ça. Première, ben, un Battlefield Deuxième Guerre aussi, là. Ben, ça fait longtemps, mais... Ça fait longtemps. Mais ça doit être parce que je t'en ai des trucs modernes, tu sais, de guerre moderne, là. T'sais. Amenez-moi de la sci-fi, puis amenez-moi de la Deuxième Guerre. On veut Unreal. Non, non. Unreal. Ouais, Unreal. À 60 personnes. Ouais, ça serait nice. Fourré. Ça, c'est ma petite voix de. Ouais, maintenant, faut chuchoter. Voilà, c'est ça, chuchotons. Ouais. Arrêtez ça tout de suite. C'est quasiment sans suite. Ah. Arrêtez ça. Attendez pas, je vais mettre mon pied à terre. Ben, il est pas mal à terre déjà, ton pied. Hey. Unreal. Ben, c'est vrai que ça serait cool. 60 personnes. Ah. Serveur dédié. Ouais. C'est ça, puis là, pas jouable, 60 personnes. Mais. Ça non disponible cool. Le jour J du lancement du jeu. Comme le veut la tradition maintenant dans les jeux en ligne. Et après ça, on va jouer et on va se rendre compte que la moitié des guns qu'il y avait avant, ben ils sont pas là. Ça va sortir en DLC. Et voilà. Et nous serons tous amèrement déçus. Comme le veut la tradition. Également. Exactement. Voilà, donc, bref, juste pour rappeler de quoi on parlait avant de dériver. On parlait de Total War. Annoncé quand? Les prochains le 25. Prochains titres? Le 25. Septembre. Septembre. Merci beaucoup, M. Castegan. Ça s'en vient vite, donc la semaine prochaine. Oui, jeudi de la semaine prochaine. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ce serait cool, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont rester dans leur niche. Là, ben, malgré Shogun, que là, ils sont partis. Ils ont refait Medieval, ça a été le premier des remixes. Ils ont refait Shogun, puis ils ont refait Rome. Fait que soit qu'ils en refont Medieval, ou soit qu'ils se lancent dans quelque chose de nouveau. Spider-Man Total War. Malade. Une unité. Star Wars Total War. Un RTS de Star Wars. C'était fait. Mais. Simpson did it. Par la gang de Sega, ça serait cool. Ouais. Plus Creative Assembly, en fait. Sega sont juste le... Ah, ouais, ben bon. Ouais. Le publisher. L'éditeur. Ça serait mieux que Star Trek Total War. Ah, j'aime ça le silence. Ouais, t'as pas mal raison là-dessus. Mais non, mais j'avoue, un style Deuxième Guerre mondiale, là, pour l'instant, pas mal le bon RTS qui est là-dessus, c'est Companies of Heroes, ouais, qui est solide, mais un RTS à grande échelle avec de la gestion, là, ça pourrait être intéressant. J'ai lancé ça dans les airs, peut-être qu'ils nous ont entendus. On va prier. Monsieur Castigan, savais-tu qu'il y a un DLC gratuit pour Divinity Original Sin qui s'en vient? T'as volé mon autre nouvelle? Oink! Et comme disait l'autre. Donc... tu sais qu'on coupe les mains des voleurs? Pas à puissance maximale, parce que je suis le tout-puissant Témir de puissance maximale. Non, il n'y a pas... On dit pas Allah Wakbar, on dit bien Mike Wakbar ici, Monsieur Castigan. En fait, qui dirait non à du contenu gratuit? Mais pas moi! Ah, soyez heureux! Chers amis, puisqu'un DLC aussi neuf que gratuit est désormais disponible, il ne tient qu'à vous de le télécharger au plus vite ou de le mettre à jour sur GOG pour en profiter. Donc, Good Old Games, la principale caractéristique de ce DLC, c'est qu'il ajoute deux personnages que vous pourrez recruter et adjoindre à votre compagnie. Le premier s'appelle Wolfgraf. Wolfgraf, ouais, c'est ça. Est une fripouille de la pire espèce qui a perdu sa voix et qui espérait, par le passé, devenir un Trek Source, donc un Source Hunter dans le jeu. Et il y a aussi Berdortre, on dit drôle de nom, qui est une archère, c'est ça, c'est une fille en plus, est une archère décrite par ses créateurs comme étant curieuse et loyale, qui cherche à ramener dans sa forêt un druide kidnappé. Par la même occasion, Larian, le studio de développement d'Original Sin, en profite pour apporter divers correctifs à son jeu, entre autres le rééquilibrage de sorts et correction de bugs. Les amateurs... J'ai vraiment le goût de m'acheter ce jeu-là. Non, non, sans faire, ça vaut... C'est vraiment un bon jeu de rôle. Un excellent jeu de rôle. J'en ai parlé lors de mes critiques il y a à peu près deux semaines, un mois, je pense. Bah, t'étais là, toi. C'est ça, ça fait un mois. Aller écouter l'émission, sans farce, c'est vraiment un excellent jeu de rôle. Ce que je disais, oui, les amateurs de coop seront, eux, ravis d'apprendre que les dialogues ont été revus et se tiendront dans une fenêtre à part. Plus besoin de lire à la vitesse de la lumière ou de scroller pour ne rien manquer. Bref, un petit DLC vraiment intéressant. Et on vous rappelle en même temps que je lis tout ça, que les nouvelles de puissance maximale sont grandement prises sur le site jeuxvideo.com. On aime beaucoup aussi le site Branchez-vous, qui est tenu par M. Laurent Lassalle du jeu C'est sérieux. Vraiment un bon site, une bonne source d'information. Voilà, c'est dit. Monsieur Castigan, autre nouvelle. Ouais, ben là, une nouvelle qui vient de sortir. On va continuer de parler de Apple. Le site Gizmodo vient de sortir un article avertissant toute personne ayant le iPhone 4S de ne surtout pas mettre leur téléphone à jour à iOS 8, car le téléphone n'a tout simplement pas le hardware pour rouler le système d'exploitation. Donc, si vous le faites, ouais, ben, votre téléphone va juste tomber complètement inopérable à cause qu'il va être trop lent. Ça, c'est une grosse critique qu'on peut amener à Apple aussi. Le fait de sortir des updates qui sont même pas bonnes pour des services, pour des téléphones qui sont normalement encore supportés. Tu sais, quand on update, rend ton appareil plus lent, c'est pas une update, c'est un problème. C'est même pas plus lent, c'est inopérable. Là, tu sais, c'est d'un ridicule consommé. Peut-être ce serait bon de poster cette nouvelle-là, Andrew, sur la page de puissance maximale, parce que c'est assez important. L'article est en anglais, par exemple. Ben, je pense pas que ce soit un problème. On est quand même avec des gens cultivés à puissance maximale. En tout cas, je parle de moi et Julien, là, Ndo, je sais pas, mais... Il ne répond pas, il tape au clavier. Donc voilà, mesdames et messieurs, autre nouvelle. En fait, on parlait tantôt de Destiny, là, qu'il y a pas mal de monde qui rentrait dedans. Eh bien, Destiny, se trouve un défenseur de poids. Eh bien, selon les nouvelles, donc les premiers tests sont tombés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, chez Bungie et Activision, on ne doit pas vraiment rigoler parce que Destiny, annoncé jusqu'à sa sortie comme le titre allant changer l'histoire du FPS, reçoit des notes parfois sévères, même catastrophiques. Donc, quoi qu'il en soit, le hype était là, mais le jeu n'a pas répondu aux attentes de l'ensemble des joueurs, en tout cas pas pour le moment. Pourtant, Andrea Pessino, qui n'est pas la moitié de n'importe qui, puisqu'il a créé le studio Ready at Dawn, ceux qui travaillent présentement sur The Order 1886, ça, j'ai bien hâte de voir ce jeu-là, prend le parti de défendre le jeu de Bungie, et il dit « Je ne peux absolument pas comprendre comment on peut donner un 6 à Destiny, comme GameSpot l'a fait. Je crois que le moins... que 8 pour un jeu pareil, c'est vraiment absurde. » Un utilisateur du réseau social qui gazouille, donc de Twitter, a rétorqué qu'il s'amusait beaucoup avec Destiny, mais que le jeu souffrait de défauts déconcertants, ce qui l'a surpris Ce qui est surprenant de la part de Bungie. M. Pessineau a répondu: je ne dis pas qu'il n'y a aucun défaut ou que les critiques doivent l'aimer, mais c'est vraiment un 6, il mérite vraiment plus que ça, ne serait-ce que pour sa direction artistique et son étendue. Donc, M. Pessineau et Ready at Dawn travaillent actuellement, bon, comme j'ai dit tantôt, sur The Order 1886 qui s'en vient. Écoutez, moi, je vois, moi, sans faire, c'est une genre de sortie comme ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Il n'y a personne qui sort dans les médias pour dire « Ce jeu-là, il est ben trop coté. Il y a ben trop une bonne note. » Ça, c'est ridicule, ben, c'est drôle. Autres, ben, ça ouais. dépend. oui. Sharon Osbourne a fait ça avec U2. Oui, Sharon Osbourne l'a fait avec U2, mais mais c'est rare en maudit qu'il y a du monde dans l'industrie qui vont intervenir. Le monde est gentil entre eux autres. Puis encore, dans les médias spécialisés, entre autres comme nous, mais dans les très connus sur Internet, ils vont pas s'entre-dire « Ah non, t'as pas donné une bonne note. » Non. T'assumes, t'es critique, tu le fais, ça finit là. Je sais pas, je trouve que M. Pessineau, en bas du 8, parce qu'il y a une belle direction artistique puis l'étendue du jeu, voyons donc. C'est depuis... Remarque, tu penses ça, mais Assassin's Creed 3 avait une vague de deuxième review parce que le monde s'était ravisé une couple de semaines après la sortie puis avoir joué un peu plus en disant « Ouais, on l'avait peut-être overscoré. » Il y a beaucoup de magazines qui l'avaient fait, ça. Ben oui, ben oui. Refaire oui. le review ben ça, parce qu'il l'avait overscoré. Ça, c'est le problème majeur de des médias spécialisés au niveau du jeu vidéo, c'est que le monde, ils sont dans le hype. Les médias, ben on le sait, on en a déjà parlé, les médias spécialisés, ben, ils ont souvent le droit à des petits lancements particuliers avec des versions qui sont pas, tu sais. Ben, tu tapes à l'œil. C'est ça, tu sais. Puis, ils n'ont pas tout le temps de jouer à fond au jeu avant d'envoyer la critique. La critique, elle sort la veille, la semaine avant que le jeu soit sorti. Voyons donc, tu as le temps de jouer 10 heures au jeu. Non, moi, c'est effectivement. Moi, je trouve que ça sort trop vite, les critiques. Puis, souvent, on se remange quand même. Ah, finalement. Je pense que c'est sur IGN qu'ils font souvent Our Second Review, des affaires de même, ouais. Qui font deux. G4Tech le fait souvent aussi. Ouais, Riven Around, il faudrait une fois de temps en temps qu'ils font un deuxième avis sur un jeu. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Vous prenez avant de parler des jeux, prenons le temps d'y jouer. Puis, moi, j'ai rarement changé d'avis. Comme nous, on fait. Ouais. Ben, c'est ça. On est en retard, mais au moins, on est sur la coche. Non, c'est mais ça. C'est ça. Moi, j'aime mieux prendre le temps. Puis, de toute façon, moi, les gens qui achètent les jeux neufs de base, ça en prend, c'est sûr, mais. Moi, je te disais, v'là 15$, là, oui. À ce temps que c'est 15$ de plus, non. À 70$, là. Ça n'a plus de sens. Il faut vraiment. OK, j'avoue qu'on se plaint devant. On se plaint un peu la pensée pleine comparé aux années 80 et à l'Australie. Ouais. Les années 80, un jeu à 100$, là, avec l'inflation aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais à 110$, on s'en tire quand même bien. Ouais. Mais quand c'est 59$, v'là un mois, deux mois et demi. Une augmentation de 10$ one shot, c'est pas mal. Même 10 à 15$. Non, c'est ça. Non. C'est, mettons qu'il faut pas s'attendre à ce que les ventes soient aussi bonnes. D'ailleurs, j'ai partagé cette semaine sur la page de Puissance Maximale un excellent article justement du site Branchez-vous qui parle justement, c'est justement Laurent Lassalle qui avait écrit l'article sur les raisons du prix des jeux. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. C'est à lire. Vous pourrez, je vais essayer de le retrouver pendant la prochaine pause musicale et vous remettre ça sur la page Facebook. Vous puissiez aller lire ça. J'avais vraiment aimé ça justement. On a les gens de l'industrie qui parlent pourquoi c'est à ce prix-là. Puis après, dans l'article, on a l'autre point de vue aussi du fait que ils veulent contrer justement la vente un peu les pertes de profit dans les ventes de jeux usagés, mais s'il n'y a pas de vente de jeux usagés, il y a des jeux qui se vendront pas aussi bien parce que il y a des consoles qui se vendront pas, puis aussi le fait que le public cible et le public qui joue le plus, c'est des gens dans la vingtaine puis des fois un petit peu plus jeunes. C'est pas le monde qui ont le plus d'argent, tu sais. Il y a beaucoup de joueurs de notre âge, dans la trentaine, mais souvent, c'est pas le problème, c'est pas l'argent, c'est le temps. Ben, je disais que j'avais plus d'argent dans le temps que j'avais 20 ans que j'en ai aujourd'hui, mais ça... Mais on a plus de responsabilités à notre âge aussi. Il y a du monde qui a des familles, ouais. Tu sais, les enfants, tout ça, puis d'autres... Le carte de crédit, puis habiter chez papa-maman, ça va un peu mieux sans le premier et beaucoup plus avec l'autre. C'est en plein ça, donc c'est pas les mêmes réalités. Donc voilà, bref, article très intéressant que je pourrais reposter tantôt sur la page Facebook de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, peut-être une dernière nouvelle avant de partir en musique? Oui, Assassin's Creed... Il allait avoir une compilation qui s'appelait La Saga Américaine. Oui. Qui allait sortir sur PS3 et 360, qui allait regrouper Assassin's Creed 3, 4 Black Flag et 3 Liberation HD. Ben, imaginez-vous donc que finalement, elle ne sortira pas sur PC. cette compilation-là. C'est comme un peu une façon de nous mettre Assassin's Creed 3 à travers la gorge. Bah, moi, ça me dérange pas, parce que moi, je l'ai chez nous, puis je pense qu'une fois, je me débarrasse de ça. Là. Ça vaut rien, mais je m'en fous, ils me donneront 2 piastres s'ils veulent. Là, mais quel jeu des plus ennuyeux. Overrated. Ah, c'est clair. Hardcore. Non, mais j'avoue que je comprends pas pourquoi ils l'ont... Ben, ils ont-tu donné une raison pourquoi ils l'envoyaient pas sur PC? Non, pas sur PC. C'est ça, c'est à cause que GameSpot avait dit que le jeu allait sortir sur PC 360 et PS3. Et finalement, ben, ils ont retiré la mention PC parce que Ubisoft en fait non. Ça sort uniquement sur 360 et PS3, cette compilation. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, ceux qui voulaient le. Puis moi, c'est plate parce qu'ils sont vraiment beaux, là. Le Black Flag, je l'ai sur PC, puis il est superbe sur PC. Encore une fois. Les joueurs PC vont écoper. Bon, c'est pas si grave que ça, en fait. On s'en sac. À la limite, on s'en sac. Mais non, bref. Mais c'est juste que c'est, je trouve ça con parce que les portages sur PC sont déjà faits. On parle d'une compilation. Non, c'est ça. Mais bon. Pose pas de questions. Le monde les pogneront sur Steam, arabais. Qu'est-ce que et c'est... voilà. Et voilà. Monsieur Castellan, il est temps de passer pas en nouvelle, mais en pause musicale. Et là, je vous envoie avec une toune d'un jeu... quand même assez aimé, Shadow of the Colossus, mais évidemment, vous connaissez Puissance Maximale, on va vous envoyer ça, version métal. Donc, Shadow of the Colossus meets Metal par Eric Calderon, dans vos oreilles, à Puissance Maximale, sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Pour du contenu vidéo professionnel destiné aux réseaux sociaux et au web, Production Newcom est la solution. Obtenez jusqu'à 50 fois plus de chances d'apparaître dans les premières pages de moteurs de recherche. Création, conception, réalisation, conseils sur la web diffusion. L'équipe de Production Newcom vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet. Peu importe votre domaine d'activité, nous avons les idées qui vous démarqueront de la compétition. Pour vos vidéos sur Internet, un nom à retenir. Production avec un S, newcom.ca. Bonjour, ici Luduc et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu Shadow of the Colossus Meets Metal par Eric Calderon. Et là, on jasait pendant que vous écoutiez de la musique. Puis là, on s'est dit, Shadow of Mordor, oh que ça va être bon. D'après, oui. Qu'est-ce qu'on voit? On lance ça comme ça. Mais en fait, moi, j'ai peur parce que j'ai peur quand ça m'arrive. Ça m'arrive pas beaucoup, pas souvent. Mais quand ça m'arrive, je suis « Ah! » Ça, ça va être un bon jeu. J'ai hâte d'y jouer. J'ai vraiment, vraiment hâte. Puis là, j'arrive, je joue, puis je fais « Ah! » C'est juste ça. En tout cas, pour ceux qui savent pas c'est quoi, Shadow of Mordor, on joue un homme... Un ranger. Un ranger qui est lié à un wraith. Donc, un peu comme les ring wraiths, les Nazgûl. Donc, il peut prendre cette forme-là et il combat finalement les méchants orques de Sauron. Et les Uruk-hai. Et là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il peut prendre possession de certains. Et il y a un système de némésis, en fait, dans le jeu-là, qui fait que ça change de fois en fois. Et c'est des personnages, je pense, qui s'autogénèrent dans le jeu. Et qui, finalement, c'est, le système de combat, c'est un peu à la Arkham Asylum. Ouais. Pour le style de combat. Et ce qu'on doit faire, finalement, c'est monter jusqu'à au top de la pyramide pour péter la gueule au chef de ce grosse gang-là, tranquillement, pas vite, en possédant les petits hommes de main pour monter comme ça, pour aller aller faire assassiner leur chef. C'est parce que c'est un petit peu dur à décrire comme jeu, mais style de jeu, c'est ça, pour le combat à la Batman Arkham, furtif, mais sinon quand on est avec plein de monde autour, c'est à peu près le même système. Ça a vraiment l'air très très très prometteur. Un bon jeu dans l'univers de Lord of the Rings, ça va faire du bien. Ça fait longtemps, on en parlait là. Le dernier que j'ai joué, moi, c'est Third Age sur GameCube, que j'avais beaucoup aimé, un jeu à la Final Fantasy, c'était vraiment le fun. Sinon, il y avait. C'est quoi le. Tower qui était popé. Comment le beat'em up. Ouais, le beat'em all. Mais comme j'ai Return of the King aussi, t'es cool. Dans le même genre. Dans la même là, chose. Mais il était juste très dur. Return of the King. Sinon, il n'y avait pas un RTS dont on parlait tantôt qui avait de la lueur. Ouais, mais je ne me rappelle pas du nom du RTS, mais c'était fait par le même gang que Star Wars Empire at War. Donc, chers auditeurs, si vous trouvez le nom avant nous, informez-en nous sur Facebook. Je m'en vais là-dessus, là. Dépêchez-vous. L'auditeur qui va le trouver avant moi. The Battle for Middle-earth. Oui, Middle-earth. Donc, la bataille pour la Terre du Milieu. Voilà. Voilà. Qui est quand même un bon score sur IGN, un 4. Un 4 sur 10. Un 4 sur 10. Non. 4 sur 5. En fait, un 8.3 sur 10. Mais un 4 sur 5, c'était un 8.3 sur 10. Puis c'est pas mal. Metacritic, c'est un 4 sur 5. Donc, ça devait être... J'ai pas eu la chance de l'aider. Ah, peut-être... Je vais essayer de me trouver ça pour jouer à ça. Frais changement. Mais là, en fait, c'est en site. Là, je me suis lancé justement dans Mass Effect. Là, parce que moi, honte à moi, le gamer qui aime la science-fiction et les jeux de rôle, autant au niveau sur table que version jeu vidéo, j'avais jamais joué à Mass Effect. On te regarde de travers. Et avec raison. J'ai c'est correct. Moi, j'ai pas aimé ça. Fait que... Meurs. Non, mais toi... Explose. T'as vraiment pas de goût, Andrew. Là, on n'arrête pas de te le dire. Mais non, j'enlève rien à Mass Effect. C'est juste que j'ai pas aimé le contrôle de Mass Effect. C'est simplement un avis personnel à moi. Ce joueur, c'est normal. Je dis que ça... Le 1 ou le 2 ou le 3, je trouve que sur console, pas console, mais sur PC, il se prend très mal en main, Mass Effect. De quoi tu parles? Ben, t'es des patates. Branche-toi une manette sur ton PC. Non, dans le pire des cas. Là. Non, je sais pas. Moi, j'ai dit, branche une manette sur ton PC. Bref, c'est ça pour dire que j'ai commencé à jouer à Mass Effect. J'aime beaucoup ça pour le moment. Ça fait longtemps que j'ai joué en RPG où je prends vraiment le temps de lire tout ce qui se passe à l'écran parce que l'histoire est vraiment cool. Tu veux tout faire. Là-bas. Ouais, elle est vraiment le fun. Juste la fin, comme dit, beaucoup qui ont choisi la fin. Un, tu vas taper la director cut, pas autre chose, là. Parce que ça explique. Le problème avec la fin originale du 3, c'est que c'est juste mal expliqué. Non, j'ai pas le 3 encore. Moi, j'ai acheté mais le 1 et le 2. Si tu vas faire le 3, c'est officiel. Non, c'est sûr. Puis tu sais que mes choix de toute la vie avant ne changent rien à la fin de ma. C'est parce que tu as le choix. Bouton bombe atomique ou pas rien. Que tu sois un bon gars ou un mauvais gars, je veux dire, ça change quoi dans le sens que tu as juste deux choix. Moi, je suis un gentil paragon dans le tapis. Je suis gentil, tout plein. Ah, t'es tout plein gentil. Ouais. Tu vas tout plein de charisme. Je sais pas, c'est quoi que. Je me rappelle pas quel jeu j'ai joué il y a pas long, puis. Je m'étais dit, ah, m'en faire un méchant. Puis j'ai pas été capable. Parce que j'étais comme, non, je peux pas faire ça. D'habitude, je suis capable de le faire, là, mais je sais pas, depuis un bout, on dirait que mon côté evil ne ressort pas lorsque je joue à l'ordinateur ou n'importe quel jeu. Je suis un gentil monsieur. Mais bref, Mass Effect, bien content. Contrairement à Max Payne 3, que j'avais acheté aussi pendant la Steam Sale, c'est bien plate, ce Christy jeu. Hey, tu sais, Max Payne, ça y va, coup de gun partout, ça saute. Hey, je m'emmerde, là, mais je le finirai pas, en fait. Là. Je m'emmerde, mais solide à jouer à ce jeu-là. J'ai vraiment été déçu. Je suis bien content de ne pas avoir payé très cher pendant la Steam Sale. Je suis là. Une chose, j'ai pas acheté ça. Non, c'est un jeu qui avait été lancé à grande pompe, ça. Là. Je trouve ça plate, c'est Rockstar. Tu fais oh, c'est Rockstar qui s'occupe de Max Payne. Watch it, ben. Elle est noire aussi. Ça n'a pas été. Mais elle est noire, j'ai pas joué. J'ai quasiment envie. Tu l'as-tu encore, toi, Andrew? Elle est noire? Non. Ça n'avait pas été gros char, c'était bon, mais c'était pas. Ça n'a pas été vendu. C'était comme une espèce de Heavy Rain, mais plate. Ouais, c'est ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que des fois, hein, c'est pas parce que ça a un nom d'une franchise, mais tu sais, tu dis Max Payne, Rockstar ensemble, ça va être débile. Eh non, c'est plate, là. Puis Max Payne qui est plus dépressif que jamais, puis ces bouts-là sont longs, c'est intense. Il a pris du poids. Ouais, aussi. Mais ça, c'est qu'on s'en fout. Il est rendu chauve. Mais c'est inter-fucking minable. C'est vraiment long, jeu. Il ressemble quasiment à Trevor. Ouais, mais moins magané par la drogue. Ouais, c'est ça. Il m'avait donné un petit. Il me faisait penser un peu à Trevor. Mais en plus dépressif. Mais tout ça pour dire que si vous n'avez pas joué à Max Payne 3, lancez-vous pas là-dedans pour rien. Perdez. Même si vous voulez le pirater, là, faites pas ça. Ça vaut pas la peine. Perdez pas de la bande passante puis du temps pour faire ça. Mais si t'étais limité. Même illimité. C'est plat. Du temps, c'est de l'argent. Ben moi, je l'ai fini. Ah, c'est plat. Je le finirai même pas. Mais je l'ai fini, mais c'est genre pour l'apogée du jeu, le gros moment où ça, on en retrouve vraiment le thrill de Max Payne, c'est genre vraiment la fin. Ah, moi, sans faire, j'ai été très, très, très déçu. Bref. Combien d'heures avant d'avoir du fun? Trop long. C'est le point. C'est... Combien de temps ça prend de donner le fun? C'est ça. Trop longtemps, je pense que ça explique tout. T'es supposé t'amuser? T'sais, c'est un jeu. Jouer à Hitman Absolution, il est meilleur. Ouais, il est-tu bon? Oh, moi, je l'aime. J'avais pas joué. Peut-être que je m'essaye aussi. Moi, je l'ai pogné pendant les Steam Sales, justement. Parce que oui, mesdames et messieurs, à puissance maximale, on joue à des nouveautés, mais on joue aussi à des trucs plus vieux un peu, puis on s'amuse. Ben, en fait, je mentirais pas que à chaque fin de semaine, je me connecte sur Steam et je vérifie s'il y a des jeux à 1$, 2$, 4$ que j'ai pas joué par principe de faire comme « Crume, je vais acheter ça va me faire quelque chose à parler pour l'émission. » Ah oui, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, Steam Sale, ça sert à ça aussi. On ramassait les Mass Effect, j'ai vu ça, c'est sûr que je les ramasse. Puis, avec raison, j'ai bien fait en maudit. Mais Max Payne, finalement, j'aurais peut-être pu m'en passer. Voilà. Mais il t'a coûté combien? Je m'en rappelle pas. Peut-être un 5,99, quelque chose du genre. Bon, moi, c'est pas pire. Tu n'as pas payé plein prix. C'est pour ça que je fais « Bah, tant pis, là, mais... » T'aurais pu être en maudit. Ouais, non, avoir payé ça, genre 20$, j'aurais été en maudit. C'est franchement, là, c'est vraiment plat. Monsieur Castellan, est-ce que t'as une dernière nouvelle avant la fin de l'émission? Oui, puis tu vas voir, ça promet. Non, c'est pas du Goat Simulator. Okay, non, c'est ça, je préparais à m'en aller. Je vais te lire le titre, ok? Tu vas faire comme. Ouf. Vas-y donc. EA. Ouf. Ça part bien, hein? Ouf. Roulement de tambour. Veux tenter le jeu sur. Apple Watch. Tu me niaises? Non. Hey, le jeu sur. Hey, tu sais, moi de base, tu le sais, Andrew, puis les auditeurs qui sont habitués d'écouter l'émission le savent. Je suis vraiment pas un amateur de jeux de console portable. J'en ai pas de console portable. Puis le moindrement qu'on m'en propose une, ça m'intéresse pas. J'aime mieux lire. Moi, non, ça m'intéresse pas. Puis sur les cellulaires, le seul que j'ai, c'est un jeu de Uno quand je prends le bateau pour m'en venir ici. C'est pour m'occuper le temps de traverser. Mais sinon, j'ai pas de jeu. Fait que de base, je comprends pas sur les consoles. Ben, je comprends, mais ça m'intéresse pas sur portable. Console portable, ça m'intéresse pas sur cellulaire. Hey, sur une montre. Faut que ça tente, là, jouer sur une montre, là. Même pas foutu de ça. Puis là, on rappelle que la Apple Watch, ça sera pas indépendante, là. Non. Faut qu'elle soit liée à un téléphone. Oui. Fait que ça te prend ton téléphone. Fait que t'envoies ton téléphone dans tes poches, t'as ton téléphone bijoux. Hein? Souillé. Hey, en plus, juste, t'as le monde qui prend un téléphone, qui prend ci, qui prend ça. Ça prend des DLC en plus. Ah, ça serait... ah ben... c'est comme le summum de la surfacturation. Eh, c'est clair, les DLC ça sur jeu Apple Watch. Mais non, mais moi je vais dire la chose suivante. Ah, on a Eric la jeunesse ici qui écrit beaucoup de what the fuck sur, sur mon message Facebook. Et oui, Eric, t'as bien compris. Mais tout ça pour dire que le pire dans ça, c'est que pourquoi que EA, maintenant qu'il y a un Apple Watch qui, soit dit en passant, est un produit révolutionnaire que personne n'a jamais fait, LG, Samsung. Non, mais au moins, ils n'ont pas, pas eu l'indécence de dire que c'est un produit révolutionnaire. Et que... Non. Mais tu peux rendre ton pouls avec. Attends un peu. Ils ont dit ça comment? Oui, c'est le produit dont les performances, les possibilités, les fonctionnalités uniques vont croître avec le temps. Je cite. Ouais, mais c'est pas révolutionnaire, ça. Ben, déjà au départ, il y a le mot unique dans la phrase. Ouais. Même là, mais c'est pas révolutionnaire. Les mondes pour le pouls, ça fait un méchant moment que ça existe. Là. Non, mais. Ça, c'est beau. On l'a déjà dit. Tout mais ça. Bref, le point est pourquoi que EA, là, considère que les montres intelligentes sont une plateforme intéressante pour le jeu. Hey, les gars, money, ça vous tente-tu? Je pense que dans Soundboard, il faut mettre Give Us Your Money de Avenue Q. EA. Ce serait le thème de EA. Mais je sais pas, un petit... Ça, XML est une présentation d'Electronic Arts. Give us your money! All that you got! Bref, tout ça pour dire que... j'ai pas hâte de voir ça. M'intéresse pas. Puis le pire, c'est que ils disent que les applications qu'ils voudraient faire, c'est des applications de fitness. Des choses comme ça. Bon, sur cette note, ma foi, des plus décourageantes, c'est la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Dernière émission, il y en a plus. Il y en a plus, c'est fini. On en revient pas. Plus jamais. Et non, ce n'est qu'à la fin pour cette semaine. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier M. Pierre-Luc Pelletier qui était là en début d'émission pour nous parler sécurité informatique. Merci beaucoup, Pierre-Luc. On vous rappelle d'aller sur son site, le sécurité101.com, si vous voulez être informé des derniers événements au niveau de la sécurité informatique. Merci beaucoup à M. Julien Materne qui était là pour nous parler BD et nous accompagner tout au long de l'émission. Merci beaucoup, Julien. Merci, les gars. Merci, tout le monde. Merci beaucoup, M. Castegan. Un plaisir. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là pour vous parler jeu. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est le www.puissancemaximale.com pour écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. Rendez-vous sur Facebook, tapez Puissance Maximale à la barre de recherche pour nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton J'aime, mesdames et messieurs, parce qu'on vous aime énormément. Et grâce à ça, vous avez accès à plein d'informations. À plein d'informations pendant, après et avant les émissions. Donc, c'est senior. Alors, pourquoi vous en passez? Appuyez sur le bouton J'aime, mesdames et messieurs. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est présenté sur CJMD FM 96.9, la radio, la rive sud de... Et la radio alternative. Voilà. La seule alternative radiophonique, en fait, pour citer notre cher ami Manu, de la musique différente, du contenu différent... Et voilà. C'est et votre émission d'intérêt ludique et geek favorite. Oh yes, Puissance Maximale. Et on vous souhaite, en terminant comme à notre habitude, de passer une excellente semaine de jeu. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we... One, two, three, four! Yeah!